Hey, c'est OSFI, Jacqueline Edmaron, Mélophilo à la production, Argenteuil, Gare, Charcel en combinaison, nouvelle donne de nouveau en action. Jamais en paix, chaque jour on tape, on bosse sur vite et pas, on reste lucide. Même si débordant, autant d'énergie que fusil. Déterminé à pousser la concurrence au suicide. Demande à Jackie, depuis longtemps j'ai acquis. Des fois en plus on place, nourrit mon fils, nos places. On prise la tendance, on blesse, on clèche, on bago. Pour que ce son tourne dans ton taco. Oh et c'est froid, c'est l'élite aussi froid. Classe, c'est l'élite tous fin, prêt à maquer le maquis du Royal Squad. Dans une marquise, nouvelle d'un Royal Production. Du hot choc comme un Chestarki. Du hot choc comme un Chestarki. Mieux vaut tard que jamais pour tout péter. Il met ton cœur et tes tripes, de l'énergie dans ce que tu fais. Et dans ce qu'on persévère et crache des vers super sévères. C'est pour les sœurs et frères qu'on lâchera pas l'affaire. Mieux vaut tard que jamais pour tout péter. Il met ton cœur et tes tripes, de l'énergie dans ce que tu fais. Dans ce qu'on persévère et crache des vers super sévères. C'est pour les sœurs et frères qu'on lâchera pas l'affaire. On est fiers de l'avoir fait en effet. On sait tout ce que ça fait, même si on a mis du temps à les sortir nos maxi. Ça nous a permis d'évoluer et de produire quelque chose de mieux réfléchi. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais d'entreprendre tes envies pour ne pas t'alarmer sur ton sort, de corriger tes erreurs et puis tes torts avant que tes romans ne puissent éclore. D'ores et déjà, il faut que tu prennes conscience qu'elle est rude la concurrence dans le rap et qu'il faut prendre patience en faisant la différence pour se faire sa putain de place en France. Mieux vaut tard que jamais pour tout péter. Mets ton cœur et tes tripes, de l'énergie dans ce que tu fais. Dans ce qu'on persévère et crache des vers super sévères. C'est pour les sœurs et frères qu'on lâchera pas l'affaire. Mieux vaut tard que jamais pour tout péter. Mets ton cœur et tes tripes, de l'énergie dans ce que tu fais. Dans ce qu'on persévère et crache des vers super sévères. C'est pour les sœurs et frères qu'on lâchera pas l'affaire. La musique c'est comme l'athlétisme, faut savoir se passer le relais. Penser à ceux qui sont derrière, c'est eux qui nous poussent à avancer. On a pas tous la chance de se voir propulser au sommet. Mais pour réussir y'a pas de formule, y'a pas de magie, y'a pas de secret. Combien ont du talent et sommeillent dans l'obscurité. Combien voudraient que leur passion devienne leur vrai métier. J'ai pas le bras long mais si à mon niveau je peux filer un coup de main, je place un petit couplet et un refrain assassin. Une fois n'est pas coutume, je suis le dernier mais non le moindre. Je suis là parce que les absents ont toujours tort et que les autres sont pour les absents. Je mets les barres sur les T, les points sur les I et place le avec les accents. Mike test de son, on reste élégant. On a remis les gants et garde les âmes sensibles. Le sang, on aime ça petit. On a faim et notre appétit. Viens t'en mangeant, arrête les baisses, la tête en jean petit. La vie est changeante, le succès est tangent. On voit le jean-jean, même si les sages te le disent. Pour moi, je sais qu'il a pas d'odeur. Il fait mon bonheur, je suis pas un donneur. Est-ce qu'il y a mon putain d'honneur? Noblesse oblige à tout seigneur, tout honneur. À la guerre comme à la guerre, nous on veut la paix mais on prépare la guerre. On est trois pour faire d'une pierre trois coups. MC vaudou comme un paracou. Je parle peu si silencieux ou rime baraqué, viens pas nous braquer ou tu vas raquer. Y'a pas de mots doux, fais-toi raki. Rico Jackie, ouais c'est pas éjacule. Mieux vaut tard que jamais, connard. Mieux vaut tard que jamais pour tout péter. Mets ton cœur et tes tripes, de l'énergie dans ce que tu fais. Dans ce truc on persévère et crache des vers super sévères. C'est pour les sœurs et frères qu'on lâchera pas l'affaire. Mieux vaut tard que jamais pour tout péter. Mets ton cœur et tes tripes, de l'énergie dans ce que tu fais. Dans ce truc on persévère et crache des vers super sévères. C'est pour les